Assemblage Ruki et C'est Fou 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Ruki. On reçoit Sébastien Dulude pour parler de sorties alternatives culturelles. Et Mathieu va nous faire une petite chronique CNX. Oui, est-ce que je vais réussir à la faire? On va voir. Bonjour et bienvenue à l'émission Assemblage Ruki, l'émission du retour en pièces détachées. Salut Mathieu. Salut Kiwan, moi je pense que je suis encore en convalescence de retour de rhume, moi. C'est la concentration est pas tellement là. Hein. Ton fameux rhume AH1N1. Ouais, c'est ça, il me suit pendant longtemps. Mathieu, il a pas la grippe, il a le rhume AH1N1. Ouais, ben comme ça, c'est de même que je le justifie pour dire que je suis peut-être pas si pire que ça puis je mourrai pas. Ça. Puis en même temps, tu te justifies pour dire que t'es pas contagieux puis tu vas pas contaminer toute la station. Donc c'est juste un rhume. C'est ça. Je suis un petit rhume de rien du tout, là. Ça va juste te rendre plus fort. Ben c'est bon, en date, j'ai pas de symptômes, je me sens bien, donc ça va. Mais pour l'instant. Pour l'instant. Dans l'émission de... Pardon. dans l'émission d'aujourd'hui d'Assemblage Ruki, il va y avoir Sébastien Dulude qui va venir, comme à chaque semaine, nous parler de ses sorties culturelles alternatives préférées. Il en a choisi un paquet, un groupe, qu'on pourrait dire. Et puis ça va être plus tard dans l'émission, vers la fin, en fait. Oui, aussi, tu vas nous faire une chronique CNX. Il me semble que ça fait longtemps que tu n'en as pas fait. Est-ce que je me trompe? Absolument. Je ne sais pas si je vais faire de longues phrases. Tu sais, on va voir. On va voir. Ça va être tantôt vers les 15h20. Et puis, il va y avoir plein d'autres surprises, peut-être, du contenu frivole. Peut-être, on va peut-être parler de jujube. Peut-être. Peut-être. Parce que moi, j'aime ça, jujube. OK. Ça va peut-être être un sujet de discussion. Ou peut-être pas. C'est d'ici la fin de l'émission à Assemblage Ruki, l'émission du retour en pièces détachées. Alors on va commencer ça en musique, comme on aime le faire, comme toujours. C'est comme ça qu'on se dit, tu sais, l'émission commence. C'est de musique, ça commence, hein? On va écouter Yann Perrault avec le président Danse Autrement. Ouais. C'est bon, Assemblage Ruki. Je vais pas danser dessus. Non? Non, tu vas se danser dessus? Non, mais je suis pas président non plus, donc je me sens absolument pas obligé. Ouais. Bon, au Québec, c'est des premiers ministres. Fait qu'on pourrait dire le premier ministre Danse Autrement. Ouais, ça se dit moins bien. C'est un peu long. Mais tu suggéreras quand même à Yann Perrault. OK. On en parle. la toile subtilement. Ça s'appelle Pleasure Bridge, le groupe qu'on vient d'entendre. La pièce s'appelle Elephant in the Room. C'est vraiment bon, hein? Oui, c'était vraiment bon, je suis surpris. C'est une découverte, en fait, qu'on a fait sur un nouvel album qu'on a reçu à la station. Puis c'est vraiment nouveau, l'album. Il est tout juste d'être fait par le groupe. C'est un duo, en fait. C'est un duo qui vient de Toronto, qui est composé de Phil Wilson et Michel Ferrari. Et l'album est disponible en plus gratuitement sur Internet. Vous allez sur leur MySpace qui est myspace.com/pleasurebridge. Ouais, et ça, c'est le genre d'album qu'on a choisi, faut le dire, là, soyons honnêtes, par sa couverture, ouais, son look spécial. C'est comme un genre de cahier avec des gribouillis dessus. Fait à la main, là, comme ouais. Au secondaire dans le temps. Là, c'est dans le coin de mon agenda. Puis en plus, on l'a écouté rapidement comme ça. On s'est dit, ah, ça a l'air pas pire, on va l'essayer. On va essayer une pièce, celle qu'on avait écoutée. Finalement, on en a fait jouer une autre parce qu'on... Comme ça. Parce que c'est moi qui est en console aujourd'hui. Il est tellement super de bonne pièce qu'on merci, entend. Donc, allez faire un tour sur leur site. Vous pouvez downloader ça. Vous pouvez télécharger ça gratuitement, ce petit album-là. Télécharge quoi? Télécharge ça. Ça. Ça. Bon. Pour d'autres suggestions musicales, soyez à l'écoute jeudi pour la chronique de Maxime Muliarami qui s'appelle justement Télécharge quoi? Je suis sûr qu'il va nous faire entendre des choses aussi bonnes que ça jeudi. Ah oui, il nous réserve des surprises pour jeudi. Ah! Ouais. Oh! Des O, des A, des O et des A. Tout ça à la fois. Des Y. Parce qu'on l'oublie tout le temps, la voyelle Y. Fait que des fois, j'utilise. Si je fais des A, des I, des O, puis des Y. Non, c'est parce qu'il est dur à différencier, effectivement, du I. Donc... Il n'y a pas rapport à pourquoi il y a Y dans l'alphabet, tu sais. Grec. Pourquoi il n'y a pas d'autres lettres grecques dans l'alphabet comme c'est ça, c'est Y. Pourquoi pas une olive comme lettre? Moi, je la mangerais, tu sais. Mm. Bon. Vous êtes à l'assemblage requis, l'émission du retour. En pièces détachées, jusqu'à 17h. Si Mathieu se rend jusqu'à 17h, on devrait être bon. Tout à l'heure, il va y avoir une chronique CNX. De quoi on va parler là-dedans? Ça, pas sûr qu'on va parler de grand-chose. Ah, ok, c'est pas déterminé encore. Non, c'est l'est. On va parler de. On va parler d'un compte Twitter hilarant qui sera porté au petit écran par CBS. Un compte que d'ailleurs je suis depuis ses débuts parce que bon. C'est une mode sur Internet, ce compte-là. Tout le monde l'adore. Alors, je vais en parler tantôt. C'est un vieux monsieur qui dit des drôles de choses. Là. Vraiment le fun. Et on va aussi parler de Firefox, qui, croyez-le ou non, a 5 ans. On va en parler tantôt dans la chronique technologique CNX. Ça va être le fil ce soir. Oh. Mais avant ça... Oui, musique. Ça, c'est dans quelques minutes. Mais juste avant ça, on va aller écouter You Say Party, We Say Die avec la pièce qui est dans le palmarès. Qui s'appelle There Is Love. Within My Heart. Entre parenthèses. Oui, avec des X à la place de Love. Vous êtes à Assemblage requis. Au 89 FM. And I don't wanna face the daylight when the morning comes. And I can't make my body rise when the morning comes. And the darkness presses on all sides when the morning comes. I have to fight. Felt the pain Assemblage Ruki et CFOU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Et le robot sexy de leur premier album, le compte complet, ici à Assemblage Ruki. Oui, et maintenant, Mathieu, on va aller écouter. On va aller, comme s'il ne savait pas que ça s'en venait. C'est le moment, là. C'est ta chronique CNX. CNX Radio. Tash.com. Et aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, on fait le tour des nouvelles geeks. On appelle ça le fil. Commençons par quelque chose qui m'excite au plus haut point, Kiwan. Hein? Tu sais que j'aime Twitter. Le robot sexy. Oui, le robot est très, très sexy. Oui. Donc, j'aime Facebook, j'aime Twitter, j'aime les médias, les réseaux sociaux, tu le sais. Oui. Sur Twitter, il y a un compte que je suis depuis le début de ce compte-là, depuis que ça a fait explosion dans le web, Shit My Dad Says. Donc, une nouvelle vedette d'Internet est née, dit l'article de Branchez-vous Techno, Justin Alpern, qui est âgé de 28 ans. Les tweets de son compte Twitter, Shit My Dad Says, serviront d'inspiration à un projet de scénario pour une série comique réalisée par les producteurs de la série américaine à succès Will and Grace. Le jeune Américain a lancé son compte Twitter « Shit My Dad Says » le 3 août dernier, après avoir réaménagé chez ses parents à San Diego. Ses messages relatent les propos hilarants de son père, âgé de 73 ans, tirés au fil de leur conversation quotidienne. En août, son compte était suivi par 100 000 contacts. Aujourd'hui, plus de 715 000 personnes qui le suivent. Le mois dernier, Justin Halpern a même vendu un livre dans lequel il a répertorié les messages de son compte Twitter à HarperCollins. En collaboration avec CBS, David Cohen et Max Muchnick, les créateurs de Will & Grace, seront les producteurs exécutifs de la série et superviseront l'écriture de scénario de la comédie familiale produite par lui-même, Justin Halpern, et Patrick Shoemaker. C'est la Warner Brothers qui produira la série, dont les épisodes devraient durer une demi-heure. Donc, une demi-heure basée sur des petits statuts à 140 caractères de Twitter. Est-ce qu'il y a assez de matériel pour le faire? T'sais, le père du gars, il dit des affaires très, très drôles. Super cocasse, allez les suivre. Il y a des exemples dans l'article. C'est en anglais. Je vais peut-être essayer tantôt un petit peu. Mais, je sais pas, une comédie d'une demi-heure basée sur un monsieur grognon ça a déjà été fait, une comédie sur un monsieur grognon. Ouais, c'est ça, c'est pas si original. Puis en même temps, si on... parce qu'en fond, les scénaristes vont devoir mettre ça ensemble pour que ça fasse un tour, que ça suive pendant une demi-heure. Donc ça va un peu dénaturer le phénomène de base, qui est de juste sortir des phrases un peu hors de leur contexte, puis de jeter ça comme ça sur le net. Donc je sais pas si ça va... Est-ce que ça va vraiment ressembler au projet initial, finalement? Est-ce que ça va être juste... genre de sitcom comme un autre comme ça qui parle probablement de mais qui va porter de peut-être le nom mais peut-être sans le shit hein, je sais pas ouais peut-être Things My Dad Says c'est peut-être pas super vendeur non? En tout cas ça dit que donc le titre a de fortes chances d'être modifié c'est vrai quelques exemples de tweets tiens je vais essayer là, la traduction quand t'es dans mon état en ce moment là, c'est dur ok fils tout le monde sent des choses que ton téléphone cellulaire peut faire. Tu l'as pas inventé, tu l'as rien qu'acheté, n'importe qui peut faire ça. Genre ça, c'était un de ses statuts Facebook. J'ai ça payer mes factures, mon fils. Dis pas toi ici. J'ai pas dit que je voulais être ami avec toi, là. À la place, j'ai dit ça à la place de votre. I didn't say that looking to relate to you. Ah, j'ai ça payer mes factures. Hey, je t'ai pas dit ça parce que je voulais être ami avec toi, là. Commence pas à faire une conversation. Parce que je voulais juste que tu t'en ailles. Parce que je voulais pas te dire que tu t'en ailles. En tout cas, yeah, allez voir l'article. Ça va être plus drôle. T'sais. Si vous connaissez l'anglais, allez-y. Puis suivez Shit My Dad Said, c'est drôle. Là, vous vous dites probablement qu'il est sénile, le monsieur, mais non, c'est juste la traduction qui est pas évidente à faire. Et voilà. mais il est peut-être sénile aussi, là. Oh, là, je pense que oui. Ouais, j'entends dans une coupe, là, puis ouais. C'est ça. La première version de Firefox, donc 1.0, est arrivée sur le web le 9 novembre 2004. Ça fait 5 ans. Depuis son lancement, le navigateur libre de la Fondation Mozilla a connu un franc succès et une évolution constante avec son milliard de téléchargements, ses 7000 extensions et ses 330 millions d'utilisateurs dans le monde. Bref, ça, c'est un chiffre qu'ils disent. Ça veut pas dire que c'est exactement 330 millions. Il y a des gens qui le download et qui l'utilisent plus qu'une fois. Puis, à place de faire une mise à jour, des fois, tu vas juste le rechercher. Donc, ça veut pas nécessairement tout dire. Là, il y a une longue historique que je vais vous laisser aller lire ça. Un des faits importants que je trouvais, c'est que le milliard de téléchargements de Firefox est dépassé en juillet 2009. La même année, une version du navigateur Firefox mobile a été lancée, qui s'appelle Fennec. Hein? C'est vrai. Son déploiement à large échelle est prévu pour 2010. Et puis la version 3.6 du navigateur est attendue à la fin du mois. Ça, c'est les développements les plus récents de Mozilla Firefox. Le blog de Mozilla fait le bilan des innovations introduites au cours des 5 années d'existence et laisse entrevoir l'avenir du navigateur. Donc, allez voir l'article sur assemblagerequis.com. C'est le furteur que j'utilise et je ne pourrais plus m'en passer, même si je sacre après Firefox au moins une fois par jour, parce qu'il y a tout le temps une extension qui fait planter la chose. Là. C'est pas la faute de Mozilla, c'est pas la faute de Firefox. Quand les gens trouvent que Firefox plante, c'est souvent pas à cause de Firefox, c'est à cause des trucs que tu y ajoutes et qui viennent s'imbriquer, qui sont pas nécessairement tout à fait clean. Donc, ça peut arriver. C'est frustrant des fois, mais au moins Firefox, en tant que tel, le logiciel est tellement bon que quand ça plante, ça se restaure et tout revient comme c'était. Et c'est comme si t'avais rien manqué. Ça, je trouve ça magique. Mm-hmm. C'est génial. C'est chiale, je sac, je fais ça à table. Deux secondes après, la la la la la la, alléluia, petite lumière qui apparaît, puis tout. T'as des troubles de personnalité, je pense. Un peu. Une étude réalisée par Comscore révèle que Microsoft est maintenant le géant du web par rapport au temps passé sur la toile et non en nombre de visites. Les internautes du monde entier passeraient recommençons. Les internautes du monde entier passeraient plus de temps sur Internet en utilisant les produits et services de Microsoft qu'en ayant recours à ceux de Google ou de Yahoo. En effet, les résultats de Comscore, une société spécialisée dans l'analyse de l'audience du web, indiquent que les sites de Microsoft bénéficient de 14,5% de l'audience virtuelle du web, ce qui représente environ 3920 milliards d'heures de navigation durant le mois de septembre 2009. Wow! Les responsables de l'étude attribuent le succès de Microsoft à son client de messagerie instantanée, le Windows Live Messenger, qui occupe à lui seul 70% du temps que les internautes passent sur Internet. T'imagines 70% sur Windows Live Messenger? MSN Messenger? C'est beaucoup de temps. C'est énorme. Google, je vais... Je vais parler pendant 2 secondes. Non, juste 2. Never mind. J'ai 2 secondes, OK. Merci, Kevin. Bon, 2 secondes, c'est pas long quand même. Hein. J'ai pas eu le temps de développer mon idée, mais bon. Non, mais c'était bien, pareil. Okay. C'était bien dit. Donc voilà, allez voir l'article sur assemblagerequis.com. Des propriétaires australiens d'iPhone déverrouillés ont eu la surprise de voir leur fond d'écran changer pour une photo de Rick Astley marquée « Ikey is never going to give you up ». Tu te rappelles de Rick Astley? « Never going to give you up. Okay. Never going to get you. » Donc, le verre s'attaquerait aux téléphones sur lesquels le SSH a été installé et dont le mot de passe root n'a pas été changé. Pourtant, le manuel d'installation recommande le changement du mot de passe. Tout porte à croire que le pirate mène une expérience. Le code du verre, inspecté par la firme de sécurité Sophos, montre un commentaire révélateur et je cite... Les gens sont stupides, voici la preuve. Lisez le manuel, ce n'est pas compliqué. Mais à quoi bon, ce sont seulement vos informations bancaires qui sont en jeu. Fin de la citation. C'est quand même pas pire comme phrase. Il semble que le verre soit relativement inoffensif. Il change le fond d'écran puis se propage au téléphone vulnérable sur le même réseau. Il ouvre toutefois la porte à d'autres attaques plus virulentes. Les usagers ayant déverrouillé leur téléphone peuvent installer des applications non autorisées par Apple. C'est ce qu'on appelle le jailbreaking, le sortage de prison. C'est en fait pour installer des, par exemple, un look alternatif pour l'iPhone, faire des applications que tu pourrais pas avoir légalement. Il faut vraiment que tu fasses un petit logiciel dans ta machine qui vient comme briser le système. Puis ensuite de ça, là, tu peux injecter un paquet d'affaires, le fun dedans, changer les couleurs, mais bon, ce que tu pourrais pas faire normalement. Mais tu sais, dans le fond, si la personne qui a créé le verre est vraiment, fait vraiment ça dans un but éducatif, c'est quand même gentil presque d'avoir fait ça. T'sais. Tout à fait, mais... juste allumer une petite cloche aux gens. T'sais. Si quelqu'un copie ce qu'il a fait ou trouve la même façon que lui, ça veut dire que c'est possible donc de le faire. C'est quand même quelque chose pour un système qui est Apple et qui n'est pas un PC, comme on dit. Bon. Donc, les usagers qui ont déverrouillé leur téléphone, oui, c'est ça, qui ont plus de flexibilité pour la configuration de leur appareil. Lorsqu'elle est mal maîtrisée, cette flexibilité peut être très dangereuse, dit l'article. L'entreprise Gadget Alpine affirme qu'une différence significative entre les deux sexes se manifeste lorsque ceux-ci éprouvent des problèmes relatifs à la technologie. De façon générale, les hommes considéraient la technologie comme étant quelque chose à comprendre et à conquérir, tandis que les femmes seraient davantage intéressées par ces applications concrètes dont elles peuvent tirer un bénéfice. La BBC révèle que face aux problèmes de dysfonctionnement d'un appareil électronique, parmi les clients de Gadgetline qui ont fait appel aux services d'assistance, 64% des hommes et 24% des femmes n'avaient pas lu le manuel d'instruction. On voit ce que ça donne des fois. 12% des hommes et 7% des femmes n'avaient qu'à brancher ou à allumer leur dispositif pour régler leurs problèmes. Les femmes passent en moyenne 32% plus de temps au téléphone avec un technicien que les hommes. Et 66% du personnel de Gadget Helpline préfère parler à des femmes. Pour en arriver à ces résultats, Gadget Helpline a analysé 75 000 appels téléphoniques du 25 septembre au 23 octobre. L'âge moyen des 120 000 abonnés à leur service d'assistance téléphonique est supérieur à 35 ans. Cette étude n'est pas scientifique et Gadget Helpline, c'est un service téléphonique anglais payant qui permet aux personnes qui éprouvent des problèmes avec la technologie d'obtenir une assistance professionnelle. Je crois que je suis rendu au moment où je vais te laisser le choix entre les nouvelles. Donc, allons-y. Est-ce que tu veux entendre parler de liens sociaux qui sont affectés par Internet? Une première clé USB 3.0. Paramount qui va livrer des films sur clé USB. Les pirates de Xbox 360 qui vont se faire bannir par Microsoft ou encore Nokia. En fait, je vais garder l'autre pour en parler après. Donc, le choix entre ces quatre. La première, les liens sociaux. D'accord. L'Institut de recherche Pew Internet et l'Université de Pennsylvanie ont mené une étude qui indique que les nouvelles technologies de communication n'auraient pas d'influence négative sur les relations sociales chez les citoyens des États-Unis. Le nombre d'Américains isolés n'aurait pas progressé depuis 25 ans, même après l'arrivée de ces technologies. D'après leurs résultats, la navigation de la toile n'engendrerait pas un effet d'isolement, oui, sur les Américains, contrairement à ce que plusieurs autres études auraient pu laisser croire. Ainsi, la socialisation des 2500 internautes interrogés ne seraient pas affectés par la navigation sur le web. 77% des citoyens américains utilisent régulièrement l'Internet, les réseaux sociaux ou par l'utilisation de mobile. 82% en possèdent un. Au contraire, le taux d'isolement social n'aurait même pas évolué depuis 1985 aux États-Unis à la suite de l'arrivée d'Internet, des mobiles et des réseaux sociaux. Environ 6% des Américains n'ont personne à qui parler et 12% n'ont pas de personne à qui se confier. Cependant, les Américains qui possèdent aujourd'hui un cellulaire auraient un réseau social jusqu'à 12% plus étendu que ceux qui n'en ont pas. De la même façon, les usagers réguliers des services de messagerie instantanée auraient un réseau plus vaste de 11%. De façon générale, l'étude laisse croire que les individus faisant un usage régulier des nouvelles technologies de communication auraient des contacts plus diversifiés au sein de leur cercle social. Les nouvelles technologies de communication semblent donc avoir un effet bénéfique sur le réseau social d'un individu. Par contre, il est à noter que la navigation sur des sites sociaux tels MySpace ou Facebook diminuerait de 30% les chances de rencontrer ses voisins. Il ne faut pas pour autant en déduire qu'Internet restreint les internautes à la maison puisque les téléphones intelligents favorisent leur mobilité, dit l'article. Ouais, c'est un peu contradictoire en même temps. Là. Vraiment, là? Ouais. Ça veut pas dire grand-chose, tout ça, hein? Mais tu sais, en même temps, tu sais, de nos jours, rencontrer ses voisins, tu sais, ça tient pas au fait d'être, je sais pas, je trouve ça bizarre là, comme statistique, là, le fait d'être plus souvent sur Facebook ou MySpace, ça aucun lien. Ses voisins. Tu sais, de nos jours, les gens veulent souvent pas là, parler à leurs voisins puis fréquenter leur entourage. Puis je pense pas que ça ait vraiment un lien avec ça. Je pense que ce serait arrivé de toute façon, puis même le taux de fréquentage de ses voisins a sûrement baissé bien avant l'avènement de Facebook. Mais... C'est venu après que tous les voisins soient comme devenus super gossants et furieux et tout le temps stressants et tout le temps en train de... C'est à cause du trouble des voisins, ça je veux dire. Ouais, je sais pas s'il y a vraiment une raison, mais en tout cas... Ouais. Faut toujours faire attention avec ces statistiques-là, dans le fond. Là. On peut faire dire beaucoup de choses à des statistiques. Ouais, c'est ça. Je suis sûr qu'on pourrait faire dire exactement le contraire de tout ce que tu as dit. Probablement. Et en fait, on va terminer avec deux petits trucs, deux nouvelles assez importantes, mais dans un sens différent. Commençons par quelque chose qui pourrait vous affecter, vous et les autres. Nokia a annoncé cette semaine un programme d'échange pour certains modèles de ses chargeurs fabriqués à l'externe. Le premier fabricant mondial de téléphones cellulaires précise que des couvercles de plastique pourraient se séparer et créer un risque d'électrocution. L'utilisateur pourrait recevoir un choc au contact de certaines composantes internes anormalement exposées lorsque le chargeur est branché. Nokia affirme n'avoir reçu aucun rapport de blessure jusqu'à maintenant, mais offre de remplacer gratuitement les chargeurs de certains modèles identifiés. Les chargeurs visés par les programmes de remplacement sont les modèles AC3U et AC3E. D'accord? Et les chargeurs de modèle AC4U. Allez voir l'article sur assemblagerequis.com et si vous avez un de ces chargeurs-là, faites-le échanger parce que ça pourrait vous donner un choc électrique. Faire des bobos. C'est pas bon ça, des bobos. Mmh. Et l'autre qui pourrait vous affecter aussi parce que c'est vraiment, vraiment cool. J'aimerais vraiment beaucoup ça y aller. C'est demain, jeudi. Et avant de l'oublier demain, hein, j'en parle tout de suite. Les consoles de jeux vidéo de sous-sol chez vos parents vont reprendre vie au studio P. Le 12 novembre, demain jeudi, dans une atmosphère d'arcade des années 80, le Warp Zone va mettre en vedette les meilleurs et les pires jeux vidéo de l'ère précédée. Une soirée où jeunes et moins jeunes pourront se réunir pour s'endolorir joyeusement les jointures ensemble. Au programme, une conférence sur pourquoi E.T., le jeu, n'est pas le pire jeu de tous les temps, par professeur Mathieu Lemire. Une conférence oui. Là-dessus. Ça, c'est le jeu qui était enterré dans un désert, genre en Afrique, là, tellement que ça se vendait pas, pour vrai. Là. Pour vrai? Ouais, ouais. Ah, c'est pas des blagues. Là. Cherchez ça, E.T., là, sur Internet, sur Wikipédia. Le jeu E.T. de Game. Là. Mais ça veut dire que là, si c'est pas lui le pire jeu de l'univers, ça veut dire qu'il y a un autre jeu qui a reçu la consécration d'être le pire jeu de l'univers. Je vois pas ce que ça pourrait être, parce que c'est sérieusement, là, j'ai vu des vidéos de ça, là, où il faut que tu sortes d'un trou là, quand tu tombes dedans. Là. Ça a l'air vraiment très, très mauvais comme jeu. Bref, conférence là-dessus, ça a l'air génial. Il va y avoir un bar... où on ne boira pas que du coke, évidemment. La diffusion de vidéos de Angry Video Game Nerd de minuit à 3h du matin, c'est des capsules web, ça c'est super bon. Ça va être aussi l'occasion d'essayer toutes les bébelles dont on a entendu parler sans jamais l'avoir essayé. Il va y avoir, et là ça va être disponible sur place à l'usage du public, là, le Power Glove, qui est le premier contrôleur de mouvement humain qui est sorti bien avant la Wii. C'était en 89, ça a été mis sur le marché à une époque où on sentait le futur de la réalité virtuelle un petit peu de trop près. Dance Aerobics, qui est un tapis de danse exerciceur apparu bien avant la Wii Fit en 87. Le Super Scope 6, un accessoire pour le Super Nintendo en forme de bazooka. Les consoles Atari, Nintendo Telstar, Super NES, TurboGrafx 16, Sega Saturn, Gemini, qui est un clone de l'Atari 2600, et l'Intellivision, tout va être là. Les grands classiques du jeu vidéo vont être là, mais aussi les moins appréciés. Des jeux honnis pour leur injouabilité, leur manque d'intérêt ou leur moralité douteuse. Plusieurs jeux de la débâcle des jeux vidéo de 1983 pourront être essayés. Un écran géant va être disponible pour les amateurs de jeux de combat épique. Et c'est présenté par Puissance Maximale, qui est une émission geek à la radio universitaire. Là. La planque... Ça se passe dans quel coin? Ça, ça c'est sur Saint-Joseph-Est. Et ça, c'est à Montréal, c'est ça? Oui, je crois que c'est à Montréal, oui. Okay. Ouais, c'est au Studio P, sur la rue Saint-Joseph-Est, au 280 rue Saint-Joseph-Est. C'est demain jeudi, le 12 novembre à 17h. Ça va se terminer dans la nuit de vendredi, certainement. Donc, c'est présenté par Puissance Maximale, la planque jeux vidéo et la librairie Pantoute. Hein? C'est 2$ l'entrée. 2$, K-1. 2 bidous. Mais tu vas y aller? Mais j'aimerais ça. Je pense que c'est demain. J'aimerais ça y aller, mais c'est demain. C'est à 5h. Ça. Ça va être tout qu'un rassemblement de geeks. Ça va être incroyable. Ça va être fou raide. Ah, j'aimerais donc ça qu'ils organisent quelque chose du genre à Trois-Rivières. En tout cas. Ah, c'est à Québec, Québec, ça se peut-tu? Ouais. Ça se peut. C'est à Québec, hein? Oui. Ouais. Saint-Joseph-Fest, c'est à Québec, exactement. Studio P. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'événement et pour écouter l'émission de Geek Puissance Maximale, c'est puissancemaximale.com, un collectif bénévole qui publie un fanzine, qui diffuse une émission de radio hebdomadaire et qui produit des journées ludiques. Il couvre les jeux de société, les jeux de cartes, les jeux de rôle, les jeux vidéo, les grandeurs nature et bien, bien d'autres choses. C'est puissancemaximale.com. Bon, ça va faire assez de technologie pendant genre 20 minutes tout ça. Hein? Vous êtes toujours à Assemblage Requis. Je vous rappelle qu'il y a une autre chronique CNX demain. Vers les 15h20. Oui, étant donné qu'il n'y en a pas eu tant cette semaine, tu vas quand même réussir à faire une heure avec ça. Mais des chroniques longues comme celle d'aujourd'hui, probablement. Oui, c'est ça. Peut-être falloir même que t'en coupes des bouts. Mais c'est diffusé lundi matin, cnx.zip, à 10h, ici sur les ondes de C'est Fou. Ouais, ça me fait penser, tant qu'à être là maintenant et à parler de technologie comme ça, juste rapidement, petit scoop pour vous, Kiwan. Écoute ceci, d'accord? Vous aimez les nouvelles technologies, les gadgets, les sites web, les nouvelles du futur, les critiques, la musique de jeux vidéo et les robots. Vous n'avez qu'un seul fichier à télécharger. CNX.zip compresse les chroniques technologiques CNX de l'émission du retour Assemblage Requis. CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio, en direct les lundis matins dès 10h, à C'est Fou. C'était juste la nouvelle pub de CNX.zip. Ah, ok, je me demandais, j'écoutais le contenu, je me disais, il y a peut-être quelque chose de nouveau à annoncer. Non, c'est juste la pub. Ben, c'était drôle, ben, c'est une très bonne pub, par exemple. Ben, merci, bravo. Colin. Bravo. Mais que de compliments. Et restez là au retour, plein de musique et de choses le fun. Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. C'est Fou 89.1. Assemblage Requis et C'est Fou 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Something. Band of Skulls et Fires de leur merveilleux CD Baby Darling Dollface Honey. Assemblage requis. Et oui, c'est l'émission qui continue comme ça, ici sur les ondes de C'est fou. Kiwan. Oui. Tantôt, on parlait de puissance maximale et j'ai cherché, j'ai trouvé c'est où que ça joue. L'émission de radio qui organise le Warp Zone, le petit événement de jeux vidéo qui a lieu à Québec. Là. Donc, c'est sur Sekia. Sekia, ou moi j'appelle ça Skia. Sekia. Skia. Comme ça. 88.3. C'est une radio communautaire à Québec. C'est l'autre radio communautaire. C'est celle qui est encore plus communautaire. Ouais, ben, quand même, oui, tout à fait. Mais il y a aussi, il y a d'avoir des émissions assez intéressantes là-dessus. Oui, c'est sûr, mais tu sais, c'est très à gauche. Tu sais, il y a différents niveaux, là, de il y a des degrés, j'imagine, de radio communautaire. C'est quoi, c'est très, très communautaire. C'est plus intelligent, genre presque snob, peut-être. Presque. Ben, pas nécessairement snob, là, mais tu sais, vraiment, c'est plus marginal encore qu'une radio comme CKRL. Là. Ça dit pour tous les goûts sur leur site web, il y a un orignal avec un iPod et une radio avec une vache. Ouais, la présentation de leur site web est assez hallucinante. Ouais, c'est cool. Moi, j'aime ça. J'écouterais ça. Donc, l'émission Puissance Maximale s'est diffusée à CKI à Québec. Absolument. Et si vous voulez savoir c'est quand, c'est à 17h le lundi. Voilà. Voilà qui est dit. On va continuer l'émission avec encore un petit peu de musique avant de terminer la première heure. Comme ça, on va l'entendre du Vanesse. Avec la nouvelle entrée du palmarès francophone, la pièce Bois Vert, Assemblage requis. Vanesse Parietta. C'est pas celle-là, c'est une autre. Mais c'est Vanesse Parietta. Ils sont en spectacle en passant samedi. Avec Parter et We Are Wolves. À Sorel. Vas-tu y aller? Ouais. Ouais. Oh. Valdez Pariétaire et Bois Vert, c'est une nouvelle entrée du palmarès francophone, ça, cette semaine. Donc, on répétera pas les données, les informations qu'on vient de donner sur le spectacle. Parce que non, Mathieu, pas de spectacle, finalement. Mathieu vient de se rendre compte qu'il n'avait pas réservé ses billets et qu'il y a à peu près 100 places. Mais il n'y avait pas de billets à réserver, c'est nouveau. Non, c'est là. Vrai, ouais, c'est vrai, c'est nouveau. Là. Depuis hier, on peut réserver ses billets pour le spectacle de Vanessa Pariétaire avec We Are Wolves parce qu'il y avait tellement de demandes. Que c'est ça, ils ont décidé de, finalement de, parce que d'habitude la façon que ça marche c'est qu'il n'y a justement pas de réservation, c'est premier arrivé premier servi à la porte. Il y a à peu près 125 places, tu disais. C'est ça, au Pabo Calagan, c'est vraiment pas très grand, mais c'est ça, exceptionnellement il y avait tellement de demandes pour aller voir ce spectacle là qu'ils ont décidé de créer des billets, de faire imprimer des billets, des vendre en pré-vente ou puis de prendre les réservations aussi par téléphone à partir d'aujourd'hui à, partir à d'aujourd'hui, 2 heures. C'est ça, donc là ça fait 2 heures. Donc là, Mathieu est un petit peu angoissé, est en train de faire ses téléphones pour réserver sa place. C'est calé. En tout cas. Bon. Donc, j'y serai peut-être samedi. On verra si t'as Sorel, le spectacle de Valdez Pariétaire avec Parler et We Are Wolves. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. On a une deuxième dans à peine quelques minutes. Oui, restez là parce qu'on va recevoir entre autres Sébastien Duloud. Alors, soyez-y. C'est fou de la scène émergente. Assemblage Requis et C'est fou 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du pauvre. Bon, retour sur la deuxième heure d'Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées en compagnie de Kiwana. Et Mathieu. Et vous. Et vous. Dans la deuxième heure, on va recevoir Sébastien Duloud. C'est vrai. Pour faire des sorties culturelles alternatives. Pourquoi me regardes-tu avec ce sourire béant, béa? Non, pour rien. B.E. Absolument pour rien. Pour rien, juste parce que t'es comme ça, puis tu souris parce que t'es heureux. Ouais. Cool. C'est à peu près ça, hein? C'est exactement ça. T'es heureux, ben pour aucune raison, juste comme ça, t'es heureux. Non, est-ce que ça prend absolument une raison, Mathieu, pour être heureux? Non, mais non, voyons donc. T'es trop pragmatique. Oh, pragmatique. Est-ce que t'as un papier de toilette avec des mots du jour ou quoi dessus? Non, non. Non. Est-ce que t'en veux un? Parce que j'en ai, j'en dis. Voici Paloma de We Are Wolves. Assemblage Requis. Au 89.1 FM. Sun like your eyes rises over the Rocky One et Mathieu. Assemblage Rocky. Par le passé, j'ai rencontré un être très, très, très... Au Pakistan avec la pièce Imbrastingra. C'est dans le palmarès francophone cette semaine. Mm-hmm. Je pense qu'on va continuer dans le même genre un peu. Oui, juste avant ça, Mathieu, je vais te parler de quelque chose. Je sais pas si tu es un lecteur régulier de la presse. Je ne sais pas lire. OK, mais en tout cas, tu peux aller voir les images sur cyberpresse.ca. Au pire, dans le cahier voyage, tu sais qui est le cahier que les gens ouvrent jamais dans la presse. Oh! Qui est... Non, mais c'est vrai, là. Avoue. Check, je l'ai pris tantôt, là. Il était vierge. Il n'y a aucun pli dedans. Il n'a même pas été, enlevé dans l'autre cahier où il était, là, celui des sports ou je ne sais pas trop. C'est toujours vierge, le cahier voyage de la presse, pour vrai. Mais je pense qu'il est même, tu sais, c'est une fois par semaine, ou je ne sais pas. Okay. Je sais pas c'est quoi la fréquence du cahier voyage, mais en tout cas. Je me demandais si ça méritait un cahier complet. Ouais, voyage, c'est ça. On se montre toujours ça un peu. Ben, c'est presque ça, là, parce que c'est comme jumelé avec les petites annonces. Ah, bon. Tu vois comment ils méprisent les choses le cahier voyage. Non, mais à chaque fois que je rouvre ce cahier-là, il y a tout le temps des photos hallucinantes. Tu sais, comme, regarde ça, ce que je te montre présentement. Vous pouvez aller voir cette photo-là sur cyberpresse.ca. On dirait une photo de l'Ouest canadien ou, tu sais, d'un. Je sais pas trop d'où ça pourrait être, là, mais on se douterait pas que c'est au Québec, mais. Cet article-là parle vraiment de 10 faits remarquables sur le Québec, des choses que les gens en général savent pas trop. Je dirais que c'est pas tant non plus là, des choses si impressionnantes, là, t'sais, des choses un peu banales là, comme le plus haut sommet, la plus haute chute, des choses qu'on apprend, je pense, en géographie au primaire. Là, mais la photo, moi, j'ai été vraiment intrigué par la photo. Puis en fait, c'est au Québec, c'est un nouveau parc national qui a été créé récemment, en mai cette année, ça fait vraiment pas longtemps. C'est dans le Grand Nord, ça s'appelle le parc national Kourourjouak. Puis c'est vraiment impressionnant d'aller voir cette photo-là. On pourrait jamais se douter que c'est au Québec. C'est vraiment un paysage hallucinant. C'est un parc national qui est ici au Québec, dans le Grand Nord. Je trouve ça magique. Et puis en même temps, ça m'a fait penser aussi que la tournée du Festival des films d'aventure et de voyage va être très bientôt à Trois-Rivières. C'est le 24 novembre, c'est la semaine prochaine. C'est à la salle Anaïs Allard-Rousseau. Allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Il y a toujours plein de films d'aventure, des films de voyage. Il y a une conférence aussi. Ça vaut vraiment la peine. C'est le 24 novembre, donc mardi prochain. Mardi dans deux semaines. Et tout ça pour arriver à ce que tu disais tantôt. On va aller écouter une pièce un peu dans le même style des Amis au Pakistan qu'on a entendu tantôt. C'est un artiste qui a vécu longtemps dans le Grand Nord québécois, justement. Ça s'appelle Dominique Larrault, alias 4D. On va écouter une pièce de son premier album qui est vraiment hallucinant, cet album-là. Ouais, ça n'a même pas de sens. Surtout la pièce qu'on va écouter, Mission Climat, wow. C'est un classique des palmarès de Sifo. On pourrait même dire un grand classique. Gold hit et tous les autres adjectifs que vous pourriez y mettre. Mais de Sifo. Exact. C'est relatif. Mission Climat 4B. Assemblage Requis et CIFU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Mainstream, je pense, comme humour. Le studio? Le studio avec Malibu, Nanutuanun, puis Le Perdu. Pis... Non, oh, ouais. J'ai enfin trouvé le sketch que je cherchais du studio, celui avec la mouche. Il n'y en a pas assez, je trouve, hein, c'est dur de les trouver, les sketchs du studio. Mais de plus en plus, il y a quelqu'un qui s'est forcé les fesses et qui en a mis une coupe. Il y en a quand même une pas pire coupe. J'aimerais tellement ça réécouter toutes les émissions au complet. Moi aussi, j'ai besoin de l'environnement. J'ai besoin des petits sketchs de fermeture de chaîne. Quand Bruno Blanchet, dans la première version du studio, quand c'était les capsules, là, quand il éteignait la station, c'était mon moment, ça, j'adorais ça. Ouais, c'était à 7h. C'était dur à pogner, c'est ça qu'on se disait, cette émission-là. Ça jouait tout le temps comme le vendredi soir, l'été, là, quand on avait d'autres choses à faire, comme aller jouer dehors. C'est que ça a bougé de place pas mal. Quand ça a changé des capsules récurrentes à une série d'émissions d'une demi-heure, là, ça jouait régulièrement en semaine, mettons à 5h30 ou quelque chose du genre. Puis à un moment donné, l'été, comme tu dis, ça a joué, je pense, c'était genre deux épisodes de suite, back-to-back, les vendredis soirs ou je sais pas trop quoi. Ça a viré place pas mal, puis à un moment donné, ils ont perdu est-ce que c'était Guy Jodoin, c'est ça? C'est Stéphane Kral qui a pris sa place, là, c'était moins bon, c'est le contraire, ils ont perdu Bruno Blanchet. Ils ont perdu Bruno Blanchet, je pense. Tu penses? Non, c'était... Parce qu'à un moment donné, je pense que c'était Stéphane Kral, Guy Jodoin et Guylaine Tremblay. Ah, ça se peut, mais d'abord, je me souviens vraiment pas de ça, puis c'est sûr qu'il n'y avait plus aucun intérêt à écouter cette émission-là, dans le fond, non. Si Bruno Blanchet était plus là. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, il me semble que c'était Bruno Blanchet qui était parti dans la dernière saison. Je pense que c'est peut-être pour ça que ça a arrêté. Mm. J'avance des affaires, mais j'ai vu une pub récemment, parce que sur... C'est ça. J'explique pourquoi on en parle. Sur prise1.com, allez voir prise et le chiffre 1.com, tapez Canal Famille, il y a des promos de toutes les périodes, de 88... Imagine, 88, t'as un épisode de Bibi, Geneviève et vous. Est-ce que tu te rappelles de Bibi, Geneviève et vous? Moi, je me souvenais pas de ça. Tu me l'as rappelé tantôt, là. Parce que t'avais l'émission Bibi et Geneviève avec les aventures de Bibi et Geneviève, bon. Qui était comme scripté, là. C'est comme le genre de sitcom pour enfants. Ouais, c'est ça. De 6 ans et moins. Et après ça, t'avais Bibi, Geneviève et vous, qui était la portion genre talk show. Interactive. C'est ça, full Eric Salvaille, genre. T'avais Geneviève et Bibi ensemble derrière un bureau qui répondaient aux questions des auditeurs, des téléspectateurs, qui répondaient à leurs courriers et puis qui parlaient. Là, j'ai vu sur prise1.com une des premières émissions de ça où t'as vraiment Bibi qui se demande « Hey, c'est quoi ça derrière toi? » Ah, ben c'est le nouveau poster de Canal Famille qui est la nouvelle chaîne que vous écoutez en ce moment qui diffuse plein d'émissions pour vous, les enfants. Et là, il parle du fait que Bibi et Geneviève sont diffusés à 18h30 du lundi au vendredi. Ils parlent de leurs émissions dans une émission de Canal Famille. Ils font la promo de la chaîne, la station, puis de leur émission dans leur émission. Exactement. Donc, ils montrent leur calendrier 88-89 qui fait l'année scolaire. Puis le Bibi, il dit « Mais comment ça se fait que ça commence pas en janvier? » Genre, il explique c'est quoi un calendrier d'année scolaire. C'est super beau. Et puis, non, ça parle vraiment du fait que ça ouvre à 7h, ça ferme à 7h. Puis, sauf la fin de semaine, t'as une heure de plus, ça ferme à 8h. C'est fascinant parce de voir qu'on ça. Peut se coucher plus tard la fin de semaine. Exactement. Mais je comprends ça s'adressait pas. Vraiment à des jeunes enfants à cette époque-là, quand la famille, là, contrairement à comment ça s'appelle aujourd'hui, c'est... Le VRAC TV. VRAC TV, ouais. Mais ça a commencé en tant que TVJQ, la télé des jeunes du Québec, cette affaire-là, dans les années 80. Hey, non, mais tu sais, si tu imagines que la station fermait à 7h et qu'à 6h30, c'était encore Bibi et Geneviève, donc il n'y a pas de progression vers des émissions plus vieilles. Là. C'est jeune du début à la fin, là. Ouais. 10 ans et moins, certainement, même en bas de ça. Ça a changé. Moi, je pense, mais en tout cas, ma théorie, c'est que ça a commencé comme chaîne pour enfants, puis que ça a juste suivi son public. Là. Puis après ça, ils ont comme oublié les enfants. Ouais, parce que là, c'est vraiment. Ça s'adresse plus aux ados, là. Ouais. Présentement, ouais. Des émissions. En fait, il n'y a plus d'émissions. J'ai regardé d'autres extraits de plein d'émissions, le Télépirate, évidemment, le studio et tout ça. Et puis, il n'y a plus rien comme ça au Québec. Il n'y a plus d'émissions intéressantes sur des sujets variés, divers et intéressants pour les jeunes. Il n'y en a plus, je trouve. En connais-tu une comme ça, vite demain? Ben, c'est parce qu'en même temps, moi, je suis tellement déconnecté de la télé en général. Fait qu'imagine la télé pour enfants. Je ne sais pas qu'est-ce qui se fait présentement. Les magazines, là. Ouais. Ben, je sais que Télé-Québec, c'est probablement la station où il y a le plus de contenu qui s'adresse aux jeunes. Là. C'est plus vraiment sur les stations spécialisées comme VRAC TV. Je pense pas qu'il y ait grand-chose qui s'adresse vraiment aux jeunes. Tout ce qui reste, c'est des comédies, des trucs de situation, des situations loufoques. Il n'y a plus rien qui est enseigné, on dirait. Ouais, je sais pas. Tu sais, Télé-Pirates avait une critique de film. T'sais, c'était super mainstream, mais vraiment souvent poche comme choix, genre un livre, genre... courte échelle, là, que tout le monde connaît déjà. Mais au moins, tu sais, essayer d'apprendre quelque chose aux gens. T'as des règles de grammaire dans Télépirate, puis ça passait comme dans du beurre, ça, là. Ça avait pas l'air d'être un conseil, mettons, environnemental. J'ai regardé hier, c'était celui sur le gars, tu sais, quand il oubliait tout le temps de mettre ses poubelles dans Télépirate. C'est « Ah non, j'ai encore raté le camion de poubelle, nanana. » Puis là, bon, il y a un auto dedans. « Ah, j'aurais donc dû la donner à quelqu'un avant de la laisser traîner, puis finalement piler dessus, puis d'être obligé de l'acheter, tu sais. » C'est un conseil écologique enveloppé dans de l'humour, ça passe. Ça se fait plus, ça. En tout cas, petite tranche de vie comme ça, prise1.com avec un en chiffre et taper Canal Famille. Ouais. Il y en a de Télétoon aussi, hein, l'ouverture de Télétoon en 97. J'étais là dès la première seconde et laissez-moi vous dire que ça me fait des petits frissons quand je regarde les vidéos de Télétoon dans le temps. T'étais là live, là, tu l'as écouté. Oui, le premier jour en 97 de Télétoon en français. Là, t'attendais ça avec impatience. Oh, que oui. Encore aujourd'hui, mais les lancements de chaînes, les lancements de nouvelles chaînes, j'y vois toutes. Je me renseigne, je vais les chercher sur YouTube parce que j'ai pas télé en ce moment. Mais sinon, j'aime les lancements de chaînes. Peu importe la nouvelle chaîne, peu importe ce que c'est, je veux voir ça. Ben, tu sais, c'est presque historique, là, en fond, comme événement. C'est pas toutes les chaînes qui sont comme ça, tu sais. Moi, c'est ça. Faut que tu vois avec le temps qu'est-ce que la chaîne va devenir, si ça va un jour devenir un événement historique. Ou si c'est TVA qui a la lance, ça vaut souvent pas la peine d'être regardé, tu sais. C'est juste des reprises de vieilles émissions de 20 ans. Là. Non. Les idées de ma maison, pour vrai, avec genre les émissions de choses des jardins, comment on appelle ça? Louise Deschâtelet. Elle repasse les émissions de jardinage de Louise Deschâtelet à les idées de ma maison. Ça n'a plus aucune tendance, là? L'émission de décoration de Dominique Michel, toi. Hein? Si tu veux les idées de décoration de Dominique Michel du début des années 90, là, va sur les idées de ma maison. Si bol. Mais bon. Qu'est-ce qu'il faut pas trouver pour remplir une chaîne 24h sur 24? Une émission du début des années 90 de décoration. des nouveaux conseils sur la mélamine blanche et les tuiles mauves. Je sais. Est-ce qu'on s'en va entendre un petit peu de Two Hours Traffic? Oui, faisons ça. Noisemaker de Two Hours Traffic à Assemblage Rocky. Et restez là parce que tantôt, Sébastien Duluth vient nous faire des suggestions de sorties alternatives culturelles. C'est une vieille capsule qu'on a ressortie des années 90. Il va nous parler de Plastic Bertrand. Je sais dessus, moi, je sais. Lemon Twist. Hein? Je te saisis plus. Sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Jusqu'à 17h, Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est Fou 89.1. Vous êtes toujours à Assemblage Rocky, émission du retour en pièces détachées, en compagnie de Kiwan et de moi-même Mathieu Plante. Oui, et maintenant, c'est le moment où on accueille Sébastien Duluth avec sa chronique que... Va voir ailleurs si j'y suis. Ah, presque, tu l'avais presque. Exact. Un jour, promis, je vais finir par apprendre tous les noms de toutes les chroniques de l'émission. C'est confus. C'est ton talon d'Achille. Salut, ça va? Oui. Salut, oui, toi? Oui. Je prends le relais, les sorties culturelles cette semaine. Pas une grosse semaine, non, encore. Un novembre plutôt tranquille, c'est correct. C'est bon pour les finances. Ouais. Bon pour les étudiants, ils en ont plus de finances à ce temps-ci. C'est fini, clair, ça. Passer telle échéance, je pense payer le deuxième versement. Sinon, c'est 25$ plus cher. Là, tout le monde paye le 25$. Alors, bonsoir tout le monde. J'ai deux suggestions cette semaine et les deux sont concurrentes, donc en fait à deux endroits différents, la même soirée, donc samedi prochain à Trois-Rivières. La première, ça m'intéresse beaucoup ce genre d'événement-là et ça me fait plaisir d'en parler, mais c'est assez pointu, merci. On parle de soirée de performance. Déjà, l'art performance, c'est pas clair pour tout le monde qu'est-ce que c'est. C'est une... probablement, c'est des pratiques d'art actuel. Donc, c'est pas quelque chose qui existe là depuis le 19e siècle ou quoi que ce soit. Ça a commencé, dans le fond, lorsqu'on s'est rendu compte que l'action de faire quelque chose pouvait être artistique en soi. Que l'action pouvait même être l'œuvre en elle-même. Et donc, elle est éphémère, cette action-là. C'est pas quelque chose qui a la même signification lorsqu'on la revoit par la suite, soit en photographie ou en film. Entre autres, dans les paramètres de l'art action qui sont apparus, il est arrivé tous les happenings aux États-Unis, beaucoup. Il y avait un groupe qui s'appelait Fluxus. Il y avait Yoko Ono là-dedans, la plus connue, mais d'autres encore plus importants qu'elle, comme Dick Higgins et autres. Et donc, il faisait des choses. Et il y était comme juste certaines personnes à savoir qu'il allait se passer quelque chose, qu'il allait arriver, happening quelque chose. Et donc, les gens voyaient ça, ils se posaient des questions. Et ce qui se passait, en fait, c'est que des gens faisaient des choses. Ça pouvait être toutes sortes de choses, un peu excentriques, mais un peu banales aussi. Et à un moment donné aussi, on s'est mis à faire des choses franchement dérangeantes. Donc, on questionnait l'art de cette façon-là. Le lieu de l'art, le moment de l'art, quand est-ce que c'est de l'art, quand est-ce que ça n'est pas. Et également aussi, en art visuel, on a commencé à faire des trucs, un peu bâtir des installations. Et là, l'installation, c'est un paquet d'affaires. On rentrait dedans et là, le public rentrait comme en relation avec ces installations-là. On vivait quelque chose, on filait mal ou on se sentait bien dans un lieu, une galerie d'art qui était comme devenue une installation. Une espèce de, non pas un décor, mais plutôt quelque chose, des objets. Donc, c'est un peu difficile à dire au niveau des formes, parce que les formes, en fait, sont infinies. Et aussi, faut parler de Jackson Pollock, qui a son importance là-dedans quand il a commencé à faire du action painting. La toile, évidemment, c'est l'objet qu'on achetait, mais la toile avait tout son sens à cause de l'action qui avait été faite. Donc, cette façon-là de jeter la peinture sur la toile avec les drippings, de travailler avec la toile par terre, même que la peinture débordait la toile. Donc, la toile faisait juste comme capter l'action en réalité. Donc, le action painting, ça amenait en réalité dans l'art quelque chose d'assez nouveau, c'est-à-dire la vie elle-même. Donc voilà pour l'action, je vous sens tout oui. Oui, absolument. N'est-ce pas? J'espère que vous ne prenez pas d'accident en auto, malgré toutes ces notions. Mais donc, l'art performance, c'est cette idée de faire une action devant des gens, tout simplement. Okay. Et bon, ça s'est institutionnalisé avec le temps. Il y a donc des soirées de performance dans des lieux. Les gens vont là, arrivent, et là, ils prennent un petit verre de quelque chose, ils s'aplacotent, et à un moment donné, quelqu'un qui fait quelque chose d'étrange, on dit « Ah, est-ce que c'est commencé? C'est une performance? » Eh bien non, c'est juste mon oncle Ronald qui faisait encore une joke. Et puis, le premier performeur arrive et présente son action. Alors, le concept, cette fois-ci, c'est dans une série d'explorations en art performance à l'atelier Silex. Ils font ça deux fois par année. Il y avait une interruption en raison de rénovation majeure là-bas. L'atelier Silex, je le dis tout de suite, c'est dans le secteur de la Vieille Gare, donc un endroit, un beau quartier ouvrier, là, vraiment un peu oublié, la rue Père-Frédéric. C'est dans le secteur Saint-Maurice, Champflour à peu près, donc l'ancienne gare. Et au 10-95 rue Père-Frédéric, c'est facile à trouver à partir de Google, bien sûr. Et donc, dans cet endroit qui est un atelier de sculpture, donc il y a une machine là-dedans, ils ont vraiment un équipement tout à fait à la fine pointe pour les sculpteurs, les gens qui font des objets, du 3D. Mais il y a également une galerie en haut, une galerie d'art multifonctionnelle et bon, une sorte de lieu comme ça. Et c'est idéal, justement, d'avoir une multitude de lieux comme ça pour présenter des actions parce qu'évidemment, les performeurs n'ont pas tout répété. Généralement, dans la pratique de la performance, on sert beaucoup de l'endroit, du soir même, de quoi ça a l'air, les gens qui sont là. Donc, il y a une part d'improvisation, une part de lecture du milieu, une pratique in situ, qu'on va dire, donc en situation. Donc, c'est un bel endroit à Silex pour accueillir ce genre de choses-là. Donc, vous arrivez là et vous avez pas l'air d'une bibitte. On vous accueille, on est bien content. Il y a un bar et puis Il ne faut pas dire trop fort. Puis on regarde ces choses-là se passer et ça commence. Et cette semaine, samedi, donc, c'est une soirée où on renoue avec la pratique de la performance à Silex et on refera ça avec un petit côté laboratoire. Donc, au lieu d'avoir vraiment une soirée animée avec des performeurs, des trucs assez bon individuels, des sections, morceaux après morceaux, on a plutôt parti à partir d'un noyau de performeurs qui travaillent de plus en plus ensemble dans certains des groupes, des ateliers plutôt de performance. Donc, ils vont présenter un peu les résultats, mais il va y avoir beaucoup d'improvisation dans tout ça. C'est ce que je voulais dire. Donc, c'est une collection de morceaux improvisés. Et ce qui est intéressant pour faire participer le public et pour aussi amener quelque chose qui est vraiment justement lié à l'endroit et au moment où ça se passe, donc samedi, le coût d'entrée pour accéder à la soirée, c'est de donner un objet. Ah, c'est intéressant. Donc, vous donnez quelque chose. Et là, évidemment, il faut préparer quelque chose parce que sinon, tout le monde va donner de la monnaie ou un anneau de clé ou... Une canne de soupe, comme ils donnent tout le temps quand on demande des dons. Ça, ben ça, ou un chapelet, c'est des choses que tout le monde a toujours dans ses mains. Mais donc, prévoyez un objet, ça va être sur la table et là, tout ça va interagir. Donc, il y a ce côté-là ludique qui va être intéressant de voir qu'est-ce qui se passe avec les objets. Et il va y avoir donc des performances en solo, en duo et en mélangé. Donc, on nous promet là, quelque chose d'assez ramifié, imbriqué, là, vraiment du travail de communication entre les performeurs. Donc, peut-être pour ceux qui sont habitués à leur performance, quelque chose d'un peu moins habituel là, que le début, fin, on applaudit. Voici l'animateur qui présente le prochain début, fin, on applaudit. Donc, on casse un peu cette formule-là. On y va vraiment en approche laboratoire. Donc, ça, c'est samedi le 14. C'est à 20h à l'atelier Silex au 1095 rue Père Frédéric. Coût d'entrée, don d'un objet. Donc, ça s'appelle de sujet à objet. Voyez maintenant, les gens. Oui. Sujet à objet. Pas mal du tout. J'aime bien, moi, Silex, tout ce qu'il présente, c'est aussi là où se tiennent les FIMU. Il y a toutes sortes d'activités avec le temps. C'est un bel endroit. Ça vaut la peine. C'est un lieu culturel valable. On écouterait peut-être une pièce de Gilles Cancer qui lance leur album samedi. Je vous en reparle après cette pièce qui s'appelle 375e. Tu peux la partir tout de suite. Je pense qu'un beat, je vais parler par-dessus ça. Wow. Et c'est un hommage à 375 ans, évidemment, de qualité dans cette grande ville de Trois-Rivières. Jamais, jamais, jamais ironique. Les Gilles Cancer, jamais, jamais. Est-ce que c'est approuvé par le comité du 375e? Jean-François Bastien a-t-il mis son estampe d'approbation? Non. Ah. Bon. Tant mieux. Hein? En spectacle, c'est pire. Bouche pleine de confettis, des souvenirs dont personne ne se soucie. 375 bougies, même pas allumées. Cadavres rouillés sous un néon arc-en-ciel. Des drones préprogrammés pour en redemander encore et encore et encore. 375 ans de médiocrité. L'homme décroche un téléphone. Rien, pas même des respirations perverses. Personne ne veut plus de sa poésie. 375 ans d'ennui. Ah. T'avais Justice, t'avais Tripod, puis t'avais Angel Fire. Que Angel Fire, c'était barre oblique deux lettres par rapport, barre oblique un autre nom. T'sais. Mais Tripod, c'était des tildes, je pense. Mm-hmm. Tilde. On parle de tilde parce que l'adresse d'Atelier Silex n'est pas simple à dire. Tapez plutôt Atelier Silex dans Google. Premier hit, ça donne ça. Sinon, c'est oculiart.org / tilde Silex. Oui, ben c'est oculiartes, là, les arts visuels, oculaires. Un petit peu trop de pensée, je pense. C'est pour. Ça. C'est pas parce que c'est cute que ça devrait être votre adresse web, peut-être. Ben non, mais je pense qu'à l'époque, c'est un positionnement, mais ça mériterait d'être revu avec un bon petit point .com. Revue. Oculaire, revue, comme des yeux. Ah, revue. D'accord. Ouais. Puis, qu'est-ce que vous avez pensé de ça, les cancers? 375e, ça s'appelait la pièce. Oui. Ah, moi, j'aime bien ça, même si c'est pas si accessible. Là, ça s'écoute pas d'un trait, j'imagine, l'album au complet. Mais moi, j'aime ça, J'ai le cancer. Ouais. Moi, j'ai pu entendre l'album au complet. La moitié des pièces sont comme ça, assez, ben, avec un rythme. C'est toujours assez lent au niveau du BPM, mais il y a un rythme. Et il y a toujours ces monologues, ou presque toujours, de Rémi Francœur là-dessus, qui est excellent. Et peut-être l'autre moitié, ou enfin un gros tiers de l'album, c'est plutôt des textures. Là, on est vraiment plus dans les musiques noise, avec bon de la voix, mais traité aussi. Beaucoup de traitements, beaucoup de traitements pour enregistrement cet album-là. Ça vaut la peine au moins d'aller voir le rendu live de ça. Je l'ai vu à quelques reprises et puis il y a sérieusement quelque chose d'étonnant à quel point on peut rendre ces musiques-là live et l'énergie de justement Rémi Francœur qui va de pièce en pièce, qui culmine à la fin du spectacle. Il y a toujours une tendance à finir avec soit un marteau dans les mains ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est vraiment le commentaire que j'entends toujours à propos de Gilles Cancer, c'est qu'il faut les voir en performance. C'est vraiment là que le projet prend tout son sens. Ben absolument. C'est le propre de beaucoup de ces musiques là, mais en même temps, un bon album, c'est un bon album. Il faut être capable de penser à ça aussi. Il y a des petites caractéristiques assez intéressantes de cet album-là. Je sais que les deux musiciens du groupe, Pierre Brouillette-Amelin et Joshua Gaumont-Lacerte, sont vraiment électroniciens et au niveau des musiques électroniques, ont une capacité de comprendre la physique de ces choses-là, l'électronique de ces choses-là, vraiment, là, qu'on patenter des machines, des choses comme ça. Et il y a une pièce vers la fin de l'album, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais il y a une petite bizarrerie qui fait en sorte que quand, entre le canal gauche et droit, tu fais un certain décalage, là on parle vraiment au niveau acoustique, là, électronique, les hertz et tout, ça fait pencher la tête. C'est de la musique pisante. Il y a quelque chose dans leur mixage qui fait en sorte que... on s'encroche un petit peu. Donc déjà, il y a une expérience là assez intéressante. L'album s'appelle « Seul mais souriant ». Ça vient d'une pièce, « Monsieur Tout-le-Monde », qui est une des premières peut-être du groupe. Vous pouvez en entendre déjà sur leur MySpace, / Gilles Cancer, pas d'apostrophe, donc J-A-I, ouais, le cancer, n'est-ce pas? Faites attention quand vous faites Gilles Cancer sur Google. Les deux premiers hits concernent Gilles Cancer, la troisième, pas du tout. C'est une autre sorte de cancer. Un vrai cancer. C'est ça. Il y en a un qui a de la chimio et l'autre pas. Ouais, la chimiothérapie dans le cancer, c'est pas impensable. À un moment donné, le bombardement par les amplis, il faut y penser à ça. On s'expose quand même. Une vibration, c'est une vibration, n'est-ce pas? Si vous ne tenez pas à vos cheveux, allez au Zenob, donc. Et puis, en première partie, il y a la formation Deepost Through The. Donc, peut-être un des noms les plus difficiles à prononcer. Deepost Through The. C'est pas pire que Fly Like an Eagle Into the Sea Like You Never Do Before. Ouais, c'est un autre dur à dire. Ben, il était long à retenir, ouais. Mais effectivement. Deepost Through The, j'en reparle la semaine prochaine parce qu'ils partent une série d'événements à l'appart. Mm-hmm. Donc, eux, ils font la première partie en feu, apparemment. Et ensuite de ça, ce serait Gilles Cancer. Donc, je décris un peu l'événement. Après une année et demie d'attente, de procrastination et d'enregistrement de bruits douteux, voici le lancement de l'album Gilles Cancer, une formation qui dérange le jet-set trifluvien. Entendre Bastien. Gilles Cancer, un groupe qui ne fait pas de compromis simplement pour du potentiel radiophonique. Et ça, on a pu le vérifier au Mardi de la Relève récemment. Ils se sont fait donner comme un gros zéro au niveau du potentiel radiophonique, mais c'est correct. Ben, c'est évident quand même. Les juges sont capables de faire leur travail. Et justement, potentiel radiophonique, il faut s'entendre aussi, là. Des radios, il n'y a pas juste des radios commerciales ici, là. Voilà. Hein? C'est fou et la preuve. Et donc, on appelle la musique de Gilles Cancer du post-pop ou du pop-noise, le tout très distorsionné. Et c'est également une collaboration avec le HIC, Gilles Cancer, donc qui présente leurs activités dans le cadre des activités du HIC, ce groupe multidisciplinaire qui s'amuse à semer la pagaille partout. Donc, ça, c'est samedi prochain, dès 20h. Il n'y aura pas de sandwich roulé, de pain russe ou de petit buffet, à mon avis. Mais je pense une petite surprise au niveau de la mise en scène. Ça, j'en parle pas plus que ça. Allez voir sur le MySpace pour tout ça. Et l'album, évidemment, sera disponible au coût de 10$. C'est entièrement autoproduit. Dernière chose, on parlait d'art multidisciplinaire. Il y a un centre à Montréal qui s'appelle Dardard. et ils cherchent un coordonnateur. Donc, pour ceux que ça pourrait intéresser, c'est des super boulots, ça. Il y en a, évidemment, les gens qui savent quel genre de boulot c'est, ben, le savent très bien, mais ça pourra les intéresser. Donc, s'il y a de la job comme ça à Montréal, ça vaut la peine. Donc, un remplacement de congé de coordination à la programmation chez Dardar. Donc, ça, c'est vraiment pour les gens qui ont étudié en art, qui ont une expérience de gestion culturelle, des choses comme ça. C'est des jobs absolument intéressants. Donc, Dardar à Montréal, vous pouvez aller trouver ça facilement sur leur site Internet. Et puis, c'est d'ici au 30 novembre pour faire parvenir lettres et CV pour le groupe Dardar. Oui, ça manque de sauce. Dardar, sauce Dardar. Il y avait Dardar Motus aussi, tu viens de Mathieu? Non, Dardar Motus. Dardar Motus. Alors, tu parlais d'émission pour enfants tantôt. Ouais. Dardar Motus, je pense que c'était un coureur automobile. Dans? Ça me dit de quoi? Ça s'appelait Dardar Motus. C'était le nom de l'émission? Ouais, ben c'était le nom du personnage en tout cas. Non, moi je me rappelle pas, je me rappelle de Rock et Belles Oreilles. C'était drôle. Rock et Belles Oreilles. Hey, ils vont-tu faire un film de Yogi? Je sais pas, il y a Astro, tu sais. Ouais, c'est ça. Mm. Mais Yogi l'ours et Boubou. En film par ordinateur, ça peut être malade. Avec Squiddy Diddly. Hey, y en a-tu des affaires dans notre mémoire? Même patente. Mm. Alors voilà, merci beaucoup. Voilà. Merci à toi, Sébastien. À la semaine prochaine. Toujours efficace. Et efficace, j'allais dire fébrile, mais ça n'a pas rapport. J'aurais pu dire Febreze aussi, parce que tu sens bon. Ça. Febreze. Je ne suis pas Febreze. Tu n'es pas Febreze? Non, mesdames, je ne suis pas Febreze. Ne détrompez-vous, les filles, là. Il n'est pas Febreze. Hey, Dardar Motus, c'est une souris aérodynamique, voilà, avec un bâton de dynamite puis un œil de pirate. Tu vois, ça serait plus aujourd'hui, c'est de la dynamite, c'est trop violent pour les enfants. Ouais, vraiment trop. On pourrait pas faire de jeux vidéo. Dans le studio. Comment? C'est Internet dans le studio. Merci, gars, qui a arrangé l'Internet dans le studio. Oui. Bon. Donc, Sébastien, tu dis merci encore une fois. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées avec Yvon et Mathieu. Oui, l'émission est presque terminée. On va aller écouter une petite pièce avant de conclure l'émission. On va aller écouter le groupe Relief Maps avec la pièce Graveyard Smash. Relief Map, c'est Graveyard Smash. Et voilà, c'est ça. C'est la fin d'Assemblage Rocky pour aujourd'hui. Dites-moi donc que c'est pas fini. Mais vous pouvez pas parce que c'est fini. Oui, c'est fini. Juste en terminant, j'ai oublié d'en parler au cours de l'émission, mais petite suggestion pour ceux qui auraient envie d'une conférence environnementale. Ce soir, il y en a deux, en fait. C'est dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale. C'est organisé par le Comité Solidarité Trois-Rivières. Donc, c'est une au cégep de Trois-Rivières, au Théâtre du cégep de Trois-Rivières. C'est avec Steven Guilbeault. La conférence s'appelle « Développement durable de la théorie à l'action » et au Collège de la Flèche aussi, conférence de Cédric Chaperon du gouvernement du regroupement des conseils régionaux de l'environnement. Et celle-là, c'est au Collège La Flèche. Deux belles conférences. Exact, c'est ce soir. Sinon, ici, sur les ondes de C'est fou, ce soir, il y a du rap à partir de 19h, c'est Rap 101, puis à 21h, il y a Volte-Face. On va être de retour demain, nous, à partir de 15h, avec une autre édition de cette émission. Oui. Il va y avoir Maxime Lemieux-Laram, mais... Oui, qui va. Bidon là-dedans. Qui nous réserve une surprise. Une surprise? Il t'a dit ça? Il t'a dit une surprise? Oui, il va parler de Think About Life et d'une surprise aussi. OK, ben, crime, j'espère qu'il n'y aura pas des hosties, parce que moi, dans le sac à surprise, les hosties, c'était pas mal l'affaire que je chutais. Ouais, il y avait ça là-dedans, pour vrai. Ouais. Rien d'où? C'est pas juste dans quelle région qu'il y avait des hosties dans. Je sais pas. Il y en avait-tu? Je sais pas. J'ai vraiment peut-être des affaires. Je sais juste que j'aime pas les hosties. OK. Je le dis. Je suis ouvert là-dessus, moi. Ça colle au palais. Ah, dégueulasse. Je mange ça, je suis pas en feu. Ben, je trouve que c'est dommage. Ils servent jamais de saler ça avec ça à l'église. Je trouve, il me semble, que ça serait mieux. Ah! C'est pas fou, ça. Ça serait mieux, il me semble. Ouais. Ouais. OK. Parce que, tu sais, du vin, ça se trempe dans du vin. C'est le meilleur symbole que le sang, en fait. La salsa. Salsa. Meringue! Tu vas à l'église, meringue, salsa. OK. Bon, donc, demain 15h, Maxime Lemieux-Ramé, évidemment, à droite à la question. On se quitte avec Parler. Parler. Bye. À demain. Salut. Décousez un peu, ça. C'est... Salsa! La différence entre salsa et seltzer, c'est une joke dans Seinfeld. Les petits vieux, tu sais. Salsa ou seltzer. Si tu demandes salsa, mais t'as du seltzer. Tu demandes seltzer, mais t'as de la salsa. Et c'est comme confus, tu sais. Seinfeld. Bye!